Ésaïe chapitre 16. Et envoyez l'agneau au dominateur de la terre, envoyez-le du rocher du désert à la montagne de la fille de Sion. Car il arrivera que les filles de Moab seront au passage d'Arnon, comme un oiseau volant çà et là, comme une nichée chassée de son nid. Mets en avant le conseil, fais l'ordonnance, serre d'ombre comme une nuit au milieu du midi, cache ceux qui ont été chassés, et ne décèle point ceux qui sont errants. Que ceux de mon peuple qui ont été chassés, séjournent chez toi, ô Moab, soit leur une retraite contre celui qui fait le dégât, car celui qui faisait l'extorsion a cessé, le dégât a pris fin, ceux qui foulaient sont consumés de dessus la terre. Et le trône sera établi par la gratuité, et sur ce trône sera assis en vérité, dans le tabernacle de David, un qui jugera, qui recherchera le droit, et qui se hâtera de faire justice. Nous avons entendu l'orgueil de Moab, le très orgueilleux, sa fierté, et son orgueil, et son arrogance, ceux sur qui il s'appuie ne sont rien de ferme. C'est pourquoi Moab hurlera sur Moab, chacun hurlera, vous grommerez pour les fondements de Kirarezeth, il n'y aura que des gens blessés à mort. Car les guérets d'Hesbon, et le vignoble de Sibma, languissent, les seigneurs des nations ont foulé ses meilleurs plants, qui atteignaient jusqu'à Jazé. Il courait ça et là par le désert, et ses provinces s'étendaient et passaient au-delà de la mer. C'est pourquoi je pleurerai du pleur de Jazé le vignoble de Sibma, je t'arroserai de mes larmes, ô Hesbon et El Alé, car l'ennemi avec des grands cris, s'est jeté sur tes fruits d'été et sur ta moisson. Et la joie et la gaieté s'est retirée du champ fertile, on ne se réjouira plus, et on ne s'égayera plus dans les vignes, celui qui foulait le vin, ne le foulera plus dans les cuves. J'ai fait cesser la chanson de la vendange. C'est pourquoi mes entrailles mèneront du bruit comme une harpe sur Moab, et mon ventre sur Kiréret. Et il arrivera qu'on verra que Moab, se lassera pour aller au haut lieu, et qu'il entrera en son saint lieu pour prier, mais il ne pourra rien obtenir. C'est là la parole que l'Éternel, a prononcée depuis longtemps sur Moab. Et maintenant l'Éternel a parlé, en disant, dans 3 ans, tels que sont les âmes d'un mercenaire, la gloire de Moab sera avilie, avec toute cette grande multitude, et le résidu sera petit, ce sera peu de choses, ce ne sera rien de considérable.